Chapitre 181, l'ordre de réviser régulièrement le Coran et la mise en garde contre son oubli. 1002. Selon Abu Moussa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Révisez régulièrement le Coran, car par celui qui tient l'âme de Muhammad dans sa main, il s'échappe de vos mémoires plus facilement que le chameau dont la patte a été entravée. » Al-Bukhari et Muslim. 1003. Selon Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Celui qui a appris le Coran est à l'image de celui qui possède un chameau entravé. S'il vérifie régulièrement l'entrave, sa mémorisation, il le retient. Mais s'il le lâche, délaisse le Coran, il le perd. » Al-Bukhari et Muslim.